Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Devin Retry, le podcast qui s'intéresse au développement de jeux vidéo d'un point de vue professionnel ou presque, puisque je suis à nouveau avec Marie, étudiante en troisième année de la licence pro jeux vidéo de Montpellier. Bonsoir. Comment tu vas? Oui, ça va très bien. Ça va bien. Attends, est-ce qu'on t'entend bien encore une fois? J'augmente le volume. Je parle pas assez fort. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'était moi qui n'avais pas le volume. Bonsoir à tous. Nous sommes également avec Floris. Bonsoir. Étudiant, je le répète, à l'UFM 3D en troisième année du bachelor Game Design Option Programmation. Oui. Également, il y a Guillaume autour de la table. Le retour. Le retour, oui, puisque tu n'étais pas là lors de la précédente émission, tu nous as bien manqué, mais heureusement tu es là, tu nous fais honneur de ta présence. Merci. Ok, je m'évade. Donc tu es titulaire du bachelor Game Artist d'Artefix. Oui. Et on en apprendra plus d'ailleurs sur chacun de vos projets actuels au cours de l'émission. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vais vous présenter notre invité pour cette émission qui est Benjamin Dimanche, dit Ben, cofondateur et chef de projet au Homecoming Studio, une boîte de visual, qui fait du visual development, de la relation presse et du marketing pour le jeu vidéo. C'est bien ça? C'est ça, et bonsoir. Voilà, tu es également président de l'association des professionnels et futurs professionnels de jeux vidéo Pushstart. Exactement. Et tu fais aussi partie. Oui, voilà, je crois que ça n'a jamais été dit dans cette émission, je fais également partie du conseil d'administration de Pushstart. D'accord. ah oui, rappelons aussi que tu es, et c'est pour ça que tu es là, aujourd'hui, ce soir, nous allons parler de l'exercice du pitch. Et Ben organise en avril, pour la semaine des industries culturelles et créatives de Montpellier, un événement centré sur l'exercice du pitch qui s'appellera Push My Speech. Ouais, tu l'as bien dit, en plus c'est un exercice de le dire, donc voilà. C'est parfait. Parce qu'à la base ça devait s'appeler Push My Pitch, mais figurez-vous que l'entreprise Pitch de Brioche Pasquier, je crois, c'est ça, qui fait les brioches, mène la guerre actuellement à toutes les personnes qui emploient le mot pitch. Alors, si vous l'utilisez dans un cadre informel ou non rémunérateur, dans un projet non rémunérateur, en principe ça passe, c'est pour ça que nous on le conserve pour cette émission là, mais voilà, ils envoient des lettres d'avocat à toutes les personnes qui emploient le terme pitch actuellement, donc bon, certains préfèrent éviter de s'en servir. Du coup, speech, pourquoi pas, mais non, mais nous on va dire pitch, ça va, on est lié. Ça passe, après nous on veut pas prendre le risque avec l'association, voilà, parce c'est que, ça. Les frais d'avocat ça peut vite coûter cher. ce soir, pardon, nous allons parler du pitch et commençons du coup par expliquer qu'est-ce que c'est que le pitch. Quelqu'un veut-il nous faire une présentation de cet exercice-là? Alors tous les regards se tournent vers moi, mais je vous laisse, après, c'est votre émission aussi. Je vous corrigerai derrière. Bon, je vais me la parole au père. Ouais. Le pitch, tout simplement, c'est un exercice dans lequel vous présentez un projet à soit des investisseurs, soit un public qui sont vos clients, ou bien à la presse. Donc ça sert du coup à présenter votre projet, à donner envie à votre audience de s'y intéresser tout simplement. Il y a plusieurs sortes de pitch, des pitch qui durent plus ou moins longtemps. Il y a le fameux elevator pitch qui dure environ 30 secondes, c'est le temps d'un trajet en ascenseur, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Ouais, c'est le principe. Voilà. Il y a des pitch qui durent un peu plus longtemps. Il y a le high level concept qui est le pitch un petit peu plus high level, justement il dure un quart d'heure, là vous avez une bonne petite présentation, sinon ça peut être des pitchs de 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. On va voir tout cela au cours de l'émission, mais alors justement on va commencer par Guillaume, qui va nous présenter un exemple de pitch, le sien, celui de son projet Arachi. Donc moi déjà, pour situer un peu, donc je rappelle, moi c'est Guillaume Desbrousses, donc j'ai été étudiant dans une école de jeu qui s'appelait Artefix, et j'ai toujours eu la volonté d'être indépendant et de me lever chaque matin pour travailler pour mes propres rêves, et j'espère que ça va en inspirer certains d'entre vous. Alors, lors de ma dernière année d'études, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur un jeu qui allait être la pierre angulaire de la mise en œuvre de ce rêve, et ce rêve, c'est la création de mon studio de développement, Smiling Crook Studio. Donc là, on va passer à la vraie partie du pitch. Ce jeu, vous avez peut-être envie de savoir ce que c'est. Donc c'est le nom du projet étudiant, c'était Arachi. Arachi, qu'est-ce que c'est? Déjà, si vous vous demandez, vous pouvez déjà le retrouver sur Facebook en tapant Arachi le jeu ou Arachi Game Dev. Donc vous aurez un lien de téléchargement gratuit. Oui, je fais un peu ma pub. C'est le moment. Donc dans Arachi, vous débarquez dans un monde qui vous semble familier. Certaines choses vous rappellent Blade Runner ou peut-être Tron. Mais c'est bien dans un environnement unique où l'industrie et la technologie est tellement développée que la nature a quasiment disparu. Peut-être aussi même les humains. Là-dedans, vous incarnez Arashi, une jeune femme augmentée cybernétiquement qui trouve son évasion dans la vitesse du parcours et qui a pour objectif d'avancer dans cette ville jusqu'à retrouver une trace de la nature pour nouer un peu avec elle. Mais n'oubliez pas, votre passion, c'est la vitesse. Battez vos propres chronos à base de sprint, de dash et ce gadget qui ralentit le temps qui peut être assez utile par moment. Pour résumer, Arashi, c'est un jeu qui rassemble le meilleur des runners 2D dans un univers cyberpunk venant des meilleures influences. Vous avez fini Super Meat Boy 8 fois, vous venez de terminer Céleste et vous avez kiffé Blade Runner 2048 au cinéma. Mais qu'est-ce que vous attendez pour venir voir le trailer d'Arashi sur la page Facebook? je pensais que ça, tu m'avais dit que ça allait durer 7 minutes, je trouve que c'est bien plus court que ça finalement. Ouais, mais j'avais pas eu le temps de regarder donc. D'accord. On doit être autour des 5 minutes là. C'est bien. Ah, je pense autour des 2 minutes. C'est tout. Ah, c'est déjà, je vais un peu vite. Voilà. D'accord, très bien. Merci Guillaume. Ce que l'on remarque dans ton pitch, c'est que tu as donné des exemples d'autres œuvres qui t'ont servi d'inspiration pour ton jeu et qui pourraient parler aux personnes qui ne connaîtraient pas ton jeu. C'est quelque chose qui est assez utilisé dans l'exercice du pitch, puisque basiquement votre projet, pour la personne à qui vous le présentez, il est assez abstrait finalement, puisque voilà, et en principe il ne connaît pas votre projet. Du coup, c'est assez efficace de donner des inspirations comme ça qui servent à s'en faire une représentation un petit peu plus concrète. Ça sert à ancrer la personne à qui on parle et à développer un imaginaire. C'est, après je peux vous dire rapidement comment j'ai construit le pitch. C'est simplement, je pars de qui je suis pour savoir d'où je viens et pourquoi je vous fais ce pitch là, et après je vous fais une petite accroche, donc c'est la petite phrase qui dit qu'elle va peut-être inspirer pour que vous soyez concerné par le pitch, et ensuite j'essaye de développer un storytelling autour du jeu pour vraiment que vous rentrez dans l'univers et que vous accrochiez un peu à ce pitch là. On va commencer par parler justement des bonnes méthodes du pitch, en commençant par l'attitude. Alors, selon vous, quelle attitude doit avoir une personne qui présente son projet à un public ? Motivé, déjà, en amont. Et enjoué, je dirais aussi, parce ouais. que il faut quand même. Le but principal, c'est quand même de vendre son projet. Donc, si t'es enjoué, si t'as la pêche, si t'es communicatif, en tout cas sur l'énergie que tu véhicules à travers ton jeu ou ton projet, ça donne déjà un peu plus envie. De d'aider ce projet-là, en tout cas. Oui, je pense qu'il faut avoir parler avec passion, déjà. Ce qu'on a remarqué, du coup, je vais m'appuyer sur ton exemple. Guillaume, tu as lu ton pitch. Oui, parce que pour ne pas oublier certaines parties, et que je voulais faire un pitch qui était assez construit. Normalement, ça se travaille beaucoup plus. Ouais. Et, en fait, on n'est pas censé reconnaître qu'on lit un texte ou quoi que ce soit. Et sur ça, il y a des exercices. Et, par exemple, en fait, votre pitch, vous devez pouvoir le réciter en faisant une recette de cuisine ou l'enregistrer et pouvoir avoir une phrase d'avance sur un enregistrement de vous qui a dit ce speech en x2. Donc c'est des petits exercices pour que le pitch semble le plus naturel possible. Là, j'avoue que je me suis préparé un peu au dernier moment. C'est mon cas également, je dois bien l'avouer. Mais c'est surtout pour donner un exemple de qu'est-ce que peut être un pitch et comment le construire surtout, quoi. Ouais, bah de toute façon, nous sommes là aussi pour faire des erreurs. C'est dans le titre de l'émission, on ne t'en voudra pas. Retry. Mais je trouve que c'est pas mal hein, pour une première fois. Je sais pas si c'est vraiment ta première fois. Non, c'est pas la première fois. Mais en tout cas, c'était un bon exercice. C'est un bon exercice et tu t'en es plutôt bien sorti. Parce que souvent, quand les gens ont tendance à lire, tu le sens qu'ils lisent quelque chose. Je trouvais que là, ça allait encore. Tu faisais relativement des efforts pour trop donner l'illusion que tu lisais, quoi. Je lisais à moitié parce que c'est un pitch que j'ai quand même fait pas mal de fois. C'est juste là, j'ai écrit mes phrases pour certaines tournures pour que je m'en rappelle bien, quoi. Mais sinon, le pitch dans sa construction, c'est un truc que j'ai fait des dizaines et des dizaines de fois dans divers cadres en fonction de ce que je fais en ce moment, quoi. Mais je pense que Arashi, tu dois le décrire au moins 10 fois par jour. Bah, dès qu'on me le demande, je suis obligé. Donc, en plus, le plus simple, c'est un trailer quand même. Il me semble que tu avais des salons, donc pour le présenter en salon, j'imagine que c'est pour présenter et donner une accroche en 30 secondes à quelqu'un qui prend la manette et qui peut partir à tout moment. Honnêtement, en salon, je me casse pas la tête avec un pitch, je montre une image et généralement, c'est ça qui marche le mieux. C'est en salon, on fait pas trop les vendeurs de poissons en criant tout son pitch, on monte un trailer et souvent c'est ce qui fait. Tu présentes pas à la personne qui essaie le jeu vite fait les inspirations, le contexte, les choses. Non, parce que vu que c'est un jeu qui est quand même plutôt type arcade, les gens ils accrochent rapidement, ils ont juste envie de jouer, ils ont pas envie qu'on leur prenne la tête avec qu'est-ce que c'est quoi les ambitions artistiques, enfin toutes ces petites choses là. Ils veulent juste prendre la manette et s'éclater sur le jeu, quoi. Ok. Oui, c'est sûr que moi, quand j'y pense, quand je suis à des conventions ou quoi que ce soit de jeux vidéo, quand on me tend un jeu à jouer, si j'y joue et que quelqu'un est en train de m'expliquer ce qui se passe en même temps, j'ai tendance à être un peu préoccupé par ce qui se passe dans le jeu pour écouter 100% ce qu'il est en train de dire. Donc oui, je pense que c'est... Enfin, pitch, ça dépend du jeu après. C'est un pitch, ça sert surtout quand on n'a pas de support. Enfin, là, par exemple, on est à la radio, le pitch, ça sert vraiment pour ancrer tous les auditeurs sur ce qui est le jeu. Alors que si on est à côté du développeur et qu'il y a le jeu à côté, autant juste qu'il nous passe la main dans les mains et qu'on voit ce que ça donne. Quoi. Allez, vas-y Ben. Non, vas-y. Moi, je me demandais justement, le pitch vaut-il mieux dans l'exemple où tu as le jeu à faire jouer à quelqu'un au même moment, est-ce que le pitch du coup tu le fais pas avant, tu le fais après que la personne ait joué, tu présentes le contexte etc. après ou avant? Pas spécialement en fait en salon, c'est plus simplement pour avoir des retours, ce genre de choses. Le pitch, je dirais que c'est plus pour si on doit vendre son projet à des éditeurs ou à ce type de personnes. Ouais. On n'a pas de support, enfin juste pour voir si l'idée les accroche. Le pitch, ça va servir à ça. Après, pour vraiment convaincre, c'est un trailer. C'est, dans le jeu vidéo, on convainc clairement avec un trailer. Ouais. D'accord. Je terminerai la partie sur l'attitude en disant que je pense qu'il vaut mieux être souriant, déjà être avenant, sourire et être poli envers son interlocuteur. Et également, ne pas apprendre son pitch par cœur pour le réciter, mais se l'approprier pour en parler avec naturel et passion, c'est à mon avis la meilleure chose à faire encore. Il y a pas mal de gens aussi, excuse-moi de te couper, qui conseillent en tout cas pour l'attitude et pour la sympathie, pour dégager de la sympathie dès le début, en tout cas de commencer avec une blague. Donc en sortant une blague, soit sur le contexte, soit sur toi, ou je sais pas, enfin faut trouver, hein, c'est pas forcément évident, le rire c'est compliqué à déclencher des fois. Ouais. Mais en tout cas, c'est souvent un conseil de pitch qui revient pour l'attitude, pour paraître sympathique vis-à-vis des gens. D'ailleurs, ça me fait penser. Tout ça, en fait, de ce dont on parle, c'est un peu le principe des conférences TEDx, pour ceux qui connaissent. Et là-dessus, je vais vous conseiller un YouTuber qui s'appelle Marketing Mania, donc Stanis Leloup, qui a fait des vidéos d'analyse sur les conférences TEDx et qui, en fait, découpe la structure d'un TEDx pour savoir comment ils arrivent à capter leur auditoire et pour vous aider au mieux à faire une présentation ou un pitch un peu plus court. D'accord. T'as dit que c'est ce site où on retrouve des conférences de plein de gens, c'est oui, ça ? Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Okay. C'est des conférences internationales qui abordent plein de domaines. Les TED Talks. Ouais, c'est ça. C'est, ça. Okay. C'est assez court comme format aussi, c'est intéressant, souvent. Deuxième point des bonnes méthodes pour un bon pitch, c'est qu'il y a, je le sais, c'est un pitch par type de public. On ne va pas évidemment faire le même pitch à un investisseur, à un client ou à la presse. Du coup, il ne suffit pas de faire un seul pitch qu'on va réutiliser à toutes les sauces, mais vraiment de travailler sur des pitchs différents à chaque fois. Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter sur cet état de fait ? Là, par exemple, j'ai dû préparer le pitch de ce qu'on est en train de faire pour la ville de Montpellier. Et là, on l'a travaillé totalement différemment. On a dû intégrer des chiffres, des choses assez qui n'intéressent pas forcément tout le type de public. Et donc, je l'ai travaillé donc de différentes façons selon le public, effectivement. Après là-dessus, il faut clairement des chiffres quand on s'adresse à un public qui va donner des sous ou des investisseurs, etc. C'est ça. Mais faut savoir que quand même, les gars en face, ça reste des humains. Et en fait, pour avoir quelqu'un sur un pitch, il faut le toucher sur l'émotion. Il faut, faut pas juste toucher son cerveau logique. Faut qu'il. C'est pour ça qu'on a des très beaux graphes sur des beaux diapos qui sont absolument magnifiques. C'est tout ce que voilà. Mais je te conseille d'aller voir Marketing Maniac. Tu verras de quoi un peu je parle. Ça marche. C'est vraiment toucher l'émotion pour que la personne s'investisse ensuite sur ton projet. Il y a un peu de ça, mais si tu veux avoir un investisseur et que tu présentes pas forcément tes chiffres ou ton seuil de rentabilité il faut les chiffres, hein. Ou des choses comme ça, il faut faire attention. Il faut clairement les chiffres, mais entre deux projets, au même chiffre de vente sur les prévisionnels, etc., c'est celui... Ça va jouer au coup de cœur. Ça va jouer au coup de cœur, donc c'est clairement là-dessus qu'il faut accentuer, en plus d'avoir tout ce qu'il faut pour convaincre des investisseurs. Je voulais juste nuancer ton propos. Excuse-moi si c'était pas clair. Précision, je voulais pas du tout te contredire, au contraire. Ouais. Voilà. Oui, comme tu l'as dit Marie d'ailleurs, évidemment on ne va pas parler de chiffres d'affaires au public, au client, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse plutôt, c'est ce que résout comme problématique ton produit. Mais en revanche, selon François Lambert, qui est associé directeur d'Impulse Capital, qui est une société d'investissement en capital de risque, finalement, les investisseurs s'intéressent peut-être plus, en tout cas, lui, c'est son cas, et à mon avis, ce n'est pas un cas isolé, plus aux entrepreneurs qu'aux produits eux-mêmes. Il disait que un bon pitch, un pitch réussi, c'est un pitch qui répond à trois questions. Et ces questions sont mon projet résout quelle problématique, comment je m'y prends et pourquoi est-ce que je suis le meilleur pour y parvenir. Ouais. C'est un peu compliqué de dire qu'on est le meilleur pour y parvenir. J'ai jamais réussi à comprendre comment il fallait faire, en fait. Là, d'ailleurs, c'est tu me permets d'enclencher quelque chose que j'avais oublié de sortir tout à l'heure. Mais effectivement, en ce qui concerne l'attitude, il faut être confiant quand on présente un pitch, mais il ne faut pas être arrogant. La limite est un petit peu dure à cerner parfois, mais disons que la confiance, on la marque quand on a des arguments pour appuyer les hyperboles que l'on s'attribue. Je l'ai noté mieux quelque part, je ne sais plus où c'est, puisque c'est trop, encore la bibliothèque sur la table. Mais oui, il faut argumenter, ne pas sortir genre oui, nous sommes les meilleurs pour faire ça, sans justification derrière. Voilà, il faut argumenter et démontrer de la confiance et pas de l'arrogance, mais effectivement la frontière est assez floue entre les deux, il faut faire attention. Qu'est-ce que je disais donc? Oui, et pourquoi est-ce que l'entrepreneur s'intéresse peut-être finalement plus, en tout cas c'est le cas, je vous l'ai dit, de François Lambert, à l'entrepreneur qu'au produit? C'est parce que ce qui va intéresser l'entrepreneur, c'est également de savoir que la personne sur laquelle il mise est capable de mener à bien son projet, qu'il ne trébuchera pas à la première embûche et qu'il ne sera pas capable de se relever. Qui sera capable de mener à bien le projet, ça c'est très important pour l'investisseur. Ben, est-ce que tu peux confirmer ça, rajouter quelque chose dessus, okay, ton point de vue sur... Alors de mon côté, j'ai été du côté de la barrière de l'éditeur, donc j'ai souvent eu à voir des pitchs, et c'est vrai que, en tout cas dans le jeu vidéo, il y a deux choses qui se distinguent. La première, c'est déjà, il faut avoir le projet qui soit convaincant. Pour tous ceux que j'ai vus, il y en a finalement très peu où je me suis dit, ouais, ce jeu-là, j'ai envie de parier dessus, j'ai envie de prendre le pari et d'investir du temps et de l'énergie dessus. Et ça, c'est difficile d'estimer aussi pour certaines entreprises s'ils vont arriver. Surtout aujourd'hui, en jeu vidéo, tu peux quand même prendre Unity en main assez facilement et donc développer un projet de jeu tout seul ou presque tout seul. Donc c'est difficile d'avoir, tu vois, tu peux dire cette entreprise a déjà fait ça, mais finalement, avoir une confirmation qu'elle va réussir à mener à bien le projet, c'est toujours un risque. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport à tout à l'heure, sur les différents pitchs par type de public. Je sais qu'en jeu vidéo, on a pas mal le problème du financement par l'innovation. Et donc, on nous demande souvent de financer un projet de jeu avec une fonctionnalité innovante, en tout cas pour les entreprises qui s'adresse aux aides publiques. Donc c'est souvent assez difficile dans le jeu vidéo de définir qu'est-ce que c'est que cette innovation. Pourtant, le jeu pourrait très bien se vendre et sans proposer un gameplay qui soit particulièrement innovant ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que dans des pitchs, il faut souvent twister un peu son projet pour pouvoir avoir des aides, et c'est un peu problématique à l'heure actuelle. Vas-y. J'ai eu ce problème justement où en gros nous on a choisi un secteur qui est à la mode entre guillemets, en fait qui marche très bien en ce moment, et on nous a reproché justement que oui, bah c'est à la mode, mais justement c'est une tendance et ça va vite passer. Donc, on savait même pas où se placer en fait, parce que c'était vrai ce qu'on disait, ça va durer, mais ils nous disaient oui, mais ça va pas durer assez. Dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est sûr que c'est difficile aussi d'estimer. Souvent, pour les projets, il y a un temps de latence en fait, entre le moment où on a l'idée, la mise en place, etc. Il faut savoir si dans 2 ans, 3 ans ou 4 ans, ton projet sera encore viable. Exactement. Et c'est vraiment une grosse difficulté. Et je pense que ça doit être un problème important de la part des gens qui investissent, de se dire est-ce que ça va aussi marcher. Donc je comprends que tu puisses avoir des retours comme ça. Après, reste à les persuader que dans 5 ans, ça sera toujours le cas, et peut-être que ton produit ou ton jeu ou autre fera la tendance à ce moment-là aussi. Là, c'est plus dur. Pour ça, on sert des statistiques en fait. Voilà, je pense que c'est le meilleur moyen. Tu peux peut-être faire le point sur ce qui rend le jeu différent. Enfin, si c'est dans un milieu qui est populaire, tu peux mettre vraiment appuyer sur ce qui rend complètement à part les autres jeux du style. C'est ça, en fait. Après, il faut faire attention là-dessus, parce que... Il ne faut pas rabaisser les autres. Non, mais c'est juste que quand, en fait, on a un jeu à part dans une case populaire, il faut quand même qu'on reste dans la case qui plaît à tout le monde. c'est ça qui est compliqué. Mais je vous dis juste ça. Non, en tout cas, c'est pas évident de prédire, en fait, ce qui va se passer. Il y en a certains qui arrivent vraiment bien... Et y a certains constructeurs qui font des paris assez fous, par exemple sur Nintendo et la Switch, pour revenir à du jeu vidéo, c'est un pari assez fou et qui fonctionne. Qui peut dire maintenant sur quoi va partir l'industrie, ça va être compliqué. Il y en a certains qui arrivent très bien, moi c'est pas mon cas. Mais justement, à Montpellier, on a l'IDAT qui s'occupe de ça, je sais pas si vous connaissez. Ouais. C'est ceux qui font les statistiques sur les jeux vidéo. Eux, ils avaient prévu que la Switch marcherait, hein, par exemple, à peu près. Mais oui, voilà, bah c'est sur eux qu'on peut compter pour avoir des petites prédictions. Bon, c'est pas toujours. Oui, il y a pas mal d'analystes dont c'est effectivement le travail. Ouais, c'est justement aussi une demande de certaines entreprises de jeux vidéo d'avoir au moins, en tout cas, des gens un peu plus calés sur les chiffres et ce genre de choses pour prévoir les tendances et adapter un jeu qui puisse marcher d'ici 1 ou 2 ans, mais que ce soit aussi sur des analyses poussées du marché, quoi. Ouais. C'est ça. Justement, au niveau de la Switch, je pense qu'ils ont beaucoup mieux géré le message. Qu'ils voulaient parvenir avec la console qu'ils amenaient, parce que la Wii U, je me rappelle quand ils l'avaient annoncé, il y avait eu enfin tout le monde était vraiment confus sur est-ce que la Wii U c'est une nouvelle console ou est-ce que c'est juste l'écran qui vient, enfin il y a beaucoup de gens qui étaient confus là-dessus. J'ai certains de mes amis qui savaient même pas que la console était sortie. Ouais. C'est pas vrai. et du coup on sent la différence avec la Switch vraiment au niveau marketing. Et genre comment ils ont essayé de pousser un peu le produit avec le nouveau logo, avec le bruit. Rien que le bruit de quand ça clique, oui, c'est quelque chose dont on s'en rappelle facilement. Ouais. Et je pense que c'était beaucoup mieux à ce niveau-là comparé à ce qu'ils étaient bien meilleurs en marketing, ça c'est sûr. Le concept était beaucoup plus clair et puis effectivement le changement de nom était salvateur et nécessaire puisque la Wii U, c'est quoi, est-ce que c'est une extension de la Wii comme le Motion Plus, est-ce que non, ça s'était appelé Wii 2, ok, Wii U, ça veut dire quoi, ouais. Est-ce que la console c'est la mablette ou est-ce qu'il y a autre chose derrière, voilà, c'est oui. La mablette. Oui, ça s'appelle une mablette. Le Wii U Gamepad, oui. On appelait ça la mablette avant d'apprendre le nom officiel. D'accord. Bref, tiens Marie, tu vas garder la parole, on va écouter ton pitch, tu es prête? D'accord. Allez, c'est à toi. Va. Alors moi je vais présenter mon projet, mais plus exactement je vais présenter mon studio de jeux vidéo. Donc en janvier de cette année, on a annoncé donc la création de Corescope, notre studio. Nous sommes 5 collaborateurs à travailler dessus et nous travaillons plus exactement sur le projet Montpellier Discovery. Donc qu'est-ce que c'est Montpellier Discovery? C'est une application mobile de visite culturelle pour Montpellier. Ce qu'on met en avant, nous, c'est ce qui nous a mis en commun, c'était les escape games. Nous adorons les escape games, nous trouvons ça absolument génial. Et on s'est dit, mais pourquoi pas le faire grandeur nature? Et pourquoi pas intégrer Montpellier, la ville qu'on adore aussi? Et donc, on a décidé de faire cette application. Et on a décidé aussi de rajouter une technologie qui nous tenait à cœur et qu'on trouvait ça assez classe, tout simplement. C'était la réalité augmentée. Donc ce qu'on fait, c'est une application mobile de visite touristique, ludique, qui est gratuite, qui est traduite en plusieurs langues, qui reprend les codes du jeu vidéo et de l'escape game. Donc là, c'est la cible de notre application Montpellier Discovery, c'est vous autour de la table, mais c'est aussi les familles. On veut ramener les jeunes à redécouvrir Montpellier, à remettre en avant le patrimoine qu'on ne va pas forcément voir. Je suis sûre que parmi les noms que je vais citer, vous n'en connaissez certainement pas. Par exemple, la Tour de la Babote. Je connais. Bien sûr. Waouh. T'as des anciens Montpellierains autour de la table. Voilà. Non, je ne connais pas en fait. Hein, mais... tu vas connaître grâce à Montpellier Discovery. Donc la Tour de la Babote, l'église Saint-Roch et la cathédrale Sainte-Anne. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les modélise en 3D, qu'on va les intégrer à l'application et vous allez rentrer dans une histoire qui va vous faire voyager à travers tous ces lieux. Je vous en dis pas plus sur l'histoire puisque vous le découvrirez en temps et en heure. Et aussi ce qu'on a décidé donc, c'est de viser les familles pour pouvoir permettre aux parents qui ont des enfants en bas âge de visiter les lieux et de permettre à leurs enfants de s'amuser aussi, puisqu'il est bien connu que des enfants en visite à l'église Saint-Roch, la Tour de la Babote ou la cathédrale Sainte-Anne, c'est pas toujours évident. Donc voilà, notre application intègre la réalité augmentée parce qu'elle a un marché prévisionnel qui est prometteur. On sait que ça a marché avec Pokémon Go, mais nous, on ne se réfère pas du tout à ça. Alors, est-ce qu'il y a des Pokémon dans ton... Alors non, il n'y a pas de Pokémon, mais il y aura peut-être des fantômes, tout ça, avec la réalité augmentée. Ça, c'est encore à déterminer, mais voilà, ce qu'on veut faire, c'est remettre en avant le patrimoine de Montpellier. On répond d'ailleurs à un appel à projet de Montpellier qui souhaite numériser sa ville. Et grâce à Montpellier Discovery, on espère qu'on va réussir à ce pari. Bravo. C'est Yo-Kai Watch à Montpellier. J'y ai pensé. Arrête. C'est du jumeau à Montpellier. Mais attention, il va y avoir la version Harry Potter, ça peut revenir à la oui, mode. Oui, hein. on a vu ça, Harry Potter Go, non? Ouais, je crois. Après, on parlait des tendances, et c'est bien, ça s'inscrit dans les tendances qui ont marché. Est-ce que vous auriez eu cette idée si Pokémon Go avait moins marché? Absolument. Bah, alors là, tu vois, je pense pas. Parce que la réalité augmentée, je la connaissais pas vraiment avant Pokémon Go. Et on a vu que ça marchait et que les gens, y avait un engouement autour de ça. On s'est dit, allez, pourquoi pas? C'est ce que je trouve d'ailleurs intéressant avec Pokémon Go, c'est que quand j'ai installé l'appli, à l'époque je découvrais une ville qui était Toulouse, je connaissais pas du tout la ville, et du coup bah, grâce à Pokémon Go j'ai découvert des endroits, des points d'intérêt, des trucs devant lesquels je passais tous les jours que j'avais jamais remarqué, parce que ça m'a fait lever la tête pour attraper un Pokémon, j'ai fait « Oh mais elle est super belle cette maison !» Oui, puis voilà, c'est ça, nous ce qui nous plaisait dans Pokémon Go justement, parce qu'on y a tout joué dans mon équipe, c'est ça en fait, c'est le fait de découvrir la ville autrement et... qu'avec des visites guidées qui sont très intéressantes mais parfois un petit peu ennuyeuses pour certains, surtout pour les jeunes comme nous. Donc on veut ramener ce public là. Mais ce qui est marrant d'ailleurs avec Pokémon Go, c'est que pour moi ce n'est pas vraiment un jeu de réalité augmentée. Il y a une partie réalité augmentée dans Pokémon Go, mais personne n'y joue parce que ça ne marche pas. C'est un jeu de géolocalisation, Pokémon Go. Vous jouez tous, on est d'accord, sur la map virtuelle. C'est de la réalité augmentée par géolocalisation. Nous, ce qu'on fait, c'est de la réalité augmentée par target. Donc je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe. L'appareil scanne un endroit et après il y a du réel qui s'ajoute, du virtuel qui s'ajoute au réel, et c'est différent. Oui, il y a une surcouche numérique qui s'ajoute du coup. Pour moi, ça c'est de la réalité augmentée. Mais c'est le jeu de cartes. Il y a un studio qui fait ça avec le casque de Microsoft. Là, je crois que c'est Asobo qui fait de la réalité augmentée. Oui, parce que ça marche aussi avec le casque. Après, nous, vu que c'est un truc où on se balade, on n'a pas mis de casque, mais c'est possible. Notre application sera utilisable avec un casque. Dans le futur. Ouais, c'est ça. Ok. Très bien. On s'écoute une petite pause musicale. On prend une petite pause musicale. On se retrouve juste après pour continuer le sujet. À tout de suite. Et c'était Sears Eisel, title track Radio Edit, chanté par Christelle Canotte, et la musique est de Camille Marcos et Julien Ponsoda. Benjamin, peux-tu nous parler un petit peu plus de Sears Eisel? Oui, bah, c'est marrant comment tu prononces. On a eu ce débat là justement en interne de savoir comment les gens allaient prononcer. Au début, le jeu était justement. C'est Isle peut-être. Ouais, ouais, c'est Isle. C'est ça. Ouais. Comme une île en anglais du coup. Et je vais pas me risquer à le prononcer parce que je suis très mauvais en accent d'anglais. mais oui, qu'est-ce que c'est Sears Eisel? Sears Eisel, c'est un jeu interactif, donc un visual novel. Dans un univers un peu, on va dire, inspiré par la BD nord-européenne et le folklore nord-européen. Et on incarne un groupe de chamans qui doit passer son initiation magique. Et dans ce jeu, tu peux donc choisir le chaman qui sera préféré parmi le groupe. Et je vais pas trop en dire trop, mais tu as un petit twitch, un petit twist, pardon. Lapsus révélateur. Et du coup, voilà, tu dois choisir ton personnage préféré. Merci, merci Ben. Justement, ce que tu viens de faire là en nous teasant ton jeu, et enfin le, non, ce n'est pas c'était ton jeu, pitch. C'est le oui. Ce n'est pas mon jeu. Je suis juste un intervenant en communication et marketing sur le jeu. Ah, puisque c'est un jeu développé par Novabox. Hein. C'est ça, exactement. Mm-hmm. Des Bordelais. Donc ce que tu as fait, c'est que tu nous as donné envie pareil. Marie, à un moment donné, tu nous as teasé quelque chose sur ton jeu. Le scénario, je crois. Ouais. il me semble que c'est ça aussi. Et voilà, c'est bien de faire ça en fait dans un pitch, je pense. C'est d'intéresser l'audience en donnant envie, c'est-à-dire ne pas dire tout, ne pas être forcément tout le temps dans le concret, tout du long, mais de rendre curieux tout simplement l'investisseur ou le client. Voilà. D'ailleurs, parlons du contenu maintenant, du pitch. Qu'est-ce qu'un bon pitch doit contenir? Quelqu'un veut-il enclencher là-dessus? Une blague. Ouais. T'as pas fait de blague encore. J'ai essayé, mais c'est dur. Hein. J'ai essayé de trouver. Ouais, pensez sur le moment, essayé hein. sur le nom, mais c'est bon. c'est dans le contenu, il me semble qu'il faut une intro quand même. Oui. Je crois. Hein. Oui, oui, oui. Oui, tu peux d'ailleurs, dans l'intro. Ben, tu te présentes forcément, tu présentes ton équipe, pourquoi pas. Tu peux également amorcer ton pitch avec une histoire. Ouais. Ça, si t'es inspiré. ça me fait penser à Gear Prod qui l'avait extrêmement bien fait. Bah, une soirée push start où ils avaient fait une blague au début et ils ont fait des blagues tout le long et ça a très bien marché. J'avais envie d'y aller du coup. Forcément. C'est oui, c'est capital sympathie. Vas-y. Non, c'est bon. Ok, c'était tout ce que je voulais dire en fait. C'est pour ça que je te passais la parole. Après, c'est parce que l'humour, ça aide à accrocher les gens en fait. Ouais. L'humour, c'est percutant. Ça permet aux gens de se souvenir de quelque chose. Bah, si je sais qu'après, tout le monde se souvient de Gear Prod. Enfin, on se souvient, ah, le sous-marin, ah, mais oui. Voilà, ça, on s'en souvient. Ouais, ça fait. Enfin, un pitch, ça sert aussi à ça. Ça sert à ce que les gens ils se rappellent de ton projet parmi les centaines d'autres qu'ils ont entendus pendant leur semaine. Quoi. Oui, d'ailleurs, pour rendre son pitch mémorable, on peut user d'originalité et de créativité. Par exemple, Steve Jobs était un maître dans le domaine, je pense. Vous vous souvenez peut-être tous de l'annonce du MacBook Air qui était contenu à l'intérieur d'une enveloppe pour démontrer la finesse du produit. Ça avait plutôt marché à l'époque, ça avait fait son effet. Il y avait également, je crois que c'est Xavier Niel de Free qui avait caché une pièce de 2 euros sous les sièges des gens dans l'assemblée. Et le twist c'était qu'avec cette pièce-là, il pouvait s'offrir l'abonnement de Free, il me semble. Quand voilà. Tu donnes de l'argent aux gens, généralement ça marche bien. Enfin, pour le coup de Steve Jobs, c'est pas trop donner d'argent. Hein. Ouais, non, mais. Pour Free, ça marchait bien. Ouais. J'avais trouvé un autre exemple que j'aimais bien, c'était celui de Clément Casalo, cofondateur de DocTracker, qui, en gros, c'est une boîte qui s'occupe de la sécurité des documents sur Internet, en ligne, il me semble, qui avait brûlé une feuille de papier en introduction de sa réunion. Et il a dit, voilà, un document en physique, c'est facile à détruire, un document en ligne, ça l'est beaucoup moins. Un document dématérialisé, ça l'est beaucoup moins. Avec DocTracker, vous pouvez le faire. Du coup, voilà comment ils avaient amorcé leur présentation. présentation, c'était plutôt pas mal. Tu mets une feuille de papier cramée sous tes yeux. Ouais. Est-ce qu'il a essayé de cramer son PC après ou pas? Non. Ouais, là, ça aurait été marrant. Oui. Pas besoin de cramer votre PC, Doc Tracker est là pour vous. Après, si tu regardes. Tu touches combien à chaque fois que tu dis ça? Moins que pour Kingdom Hearts. Après, si tu regardes les publicités, finalement, c'est des pitchs contenus dans un court spot de pub, quoi. Bien sûr. Enfin, C'est ça te pitch le produit et ça doit te donner envie, donc ça pose les bases en tout cas de ce que c'est un bon pitch. Donc est-ce qu'un pitch c'est un truc de marketeur? Bah, c'est pas forcément un truc de marketeur, mais ça fait appel à des techniques de marketing. Oui, mais c'est sûr, si tu essaies de le vendre à quelqu'un, ton jeu, ton idée, ça va passer par le marketing à un moment, je pense, ou des techniques qui sont liées. Bah de toute façon, dès que tu dois vendre un produit, oui, il vaut mieux que ça soit un peu marketé, parce que on a beaucoup d'exemples, notamment dans le jeu vidéo, des mecs qui mettent leurs produits sur Steam et puis qui attendent que ça se vende tout seul. Ça marche pas comme ça. Spoiler, ça marche pas. Spoiler, ça a l'air. Warning. J'avais une question pour toi, Ben. Oui. C'est en tant qu'éditeur, est-ce que t'as vu des trucs improbables pendant les pitchs qui t'ont dit non, je les prendrai jamais? Ça m'est arrivé effectivement de voir des jeux. J'étais là, genre, mais les mecs, enfin voilà, je suis éditeur dans la salle, vous me pitchez ça, j'ai envie de dire, non, enfin vous êtes plus étudiant, vous êtes là, c'est un éditeur, rentrez chez vous. Et je trouve que même quand on a organisé, par exemple, ici à Montpellier, il y avait un concours qui s'appelait Game Critics, qui était un concours de pitch finalement et de pitch de projet étudiant. Donc réalisé pendant les années, et tu voyais tout de suite la différence entre les gens qui avaient bossé leur présentation et ceux qui ne l'avaient pas bossé. Ceux qui l'avaient bossé, par exemple, c'est con, mais ils sont tous venus avec un t-shirt, avec des flyers à donner, des techniques comme ça pour dire, bah ouais, direct, tu arrives avec, on a montré qu'on sait de quoi on parle. Un pitch qui m'avait vachement marqué, pardon, c'était un pitch de Engmin. Je me rappelle plus du nom du jeu, mais c'est parce que ça remonte il y a longtemps, mais je me rappelle encore des images et compagnie, et parce qu'en fait il l'avait présenté comme si tu présentais un jeu à l'E3 ou à un grand événement comme ça, où ils ont parlé par-dessus la vidéo, enfin par-dessus une vidéo de jeu, et avec des super belles images qui présentaient vraiment tout le gameplay du jeu, et on aurait dit une présentation enfin professionnelle, quoi. Et donc je crois qu'ils ont gagné le prix artistique d'ailleurs de cette année-là. Mais parce que le jury a été bluffé de se retrouver à un pitch comme ça, de si haut niveau. Parce que moi, on m'a toujours dit que mettre des vidéos en fond, c'était mélanger l'attention du public et que ça marchait pas. Mais après. Ça dépend en fait. Si ton speech appuie sur le visuel, j'imagine que ça doit marcher très bien dans certaines situations. Ouais. En fait, il faut simplement pas que le visuel te perturbe, parce que les meilleurs pitchs que j'ai vus, c'était souvent des pitchs où il y avait juste une image d'illustration, mais un super artwork, et t'avais juste le mec qui parlait. Mais en fait, tu regardais l'image et le seul truc sur lequel tu avais à te concentrer, c'était juste la voix du mec qui expliquait son truc. L'image, c'est juste pour capter ton attention et permettre que tu restes. Et dans ce cas-là, justement, ça marchait particulièrement bien parce que c'était un jeu très contemplatif, avec des très beaux paysages et des moments vraiment de solitude presque, où tu avais le jeu et c'était un vaisseau sur des nuages. Et tu avais ce paysage magnifique devant toi, et tu avais quelqu'un qui t'expliquait très calmement et très posément comment le jeu était construit. Franchement, ça s'est passé super bien. Ouais, ça marche beaucoup mieux qu'avec un jeu à énigmes où peut-être que l'auditeur est concentré là-dessus. Ou un jeu, je sais pas, type Call of Duty où ça tire de partout. C'est sûr que là, tu vas être distrait, alors que là, vraiment, tu avais le temps d'apprécier l'image d'écouter en tout cas le contenu. Mais c'est vrai que faut voir en fonction de ton produit, il faut que ça s'adapte. C'est ça. Oui. Tu t'es perdu dans tes feuilles. J'essaie de parler pour le temps que tu finisses. Mais... Oui, au bout d'un moment, j'ai fait rien à dire. Est-ce que j'étais à la recherche d'un. Peut-être que ça vous parle, peut-être que ça te parle à toi, Ben, plus qu'aux autres. Simon Beck. N'importe quoi. Simon Sinek, qui est derrière le concept du Cercle d'Or, qui, du coup, est un concept qui vous sert à pitcher. Tout simplement, en fait, le cercle d'or, c'est trois cercles concentriques contenus les uns dans les autres. Le premier qui englobe tous les cercles, c'est celui du quoi. Le quoi ou le pourquoi? Le pourquoi, pardon. Ensuite, c'est le cercle du comment, et enfin le cercle du quoi. Et ça sert, du coup, à structurer un petit peu mieux sa présentation. Par exemple, Marie, ce que tu as fait dans ta présentation, si je me souviens bien, c'est que le pourquoi, tu l'as donné après le quoi, c'est-à-dire tu as expliqué... J'ai parlé de la solution Tu as présenté la solution après nous avoir présenté le ton comment, produit. Alors tu vas dire ton produit dans le truc, c'est non, parce que la solution c'est le comment. Oui. En fait. Oui. Du coup, c'est pas le quoi ni d'accord. Le quoi. Non, mais en fait, t'as raison. J'ai dit que c'était un appel à projet après avoir annoncé ce que c'était. Oui. Et je suis d'accord. Non, ce que je voulais dire, voilà, pardon, je retrouve, c'était pas la solution. Le pourquoi, en fait, ça consiste à pourquoi est-ce qu'on a besoin de ton produit. Et toi, je me souviens que c'est au milieu de ton pitch que tu nous as dit, ça vous permet de redécouvrir Montpellier, là que tu nous as parlé, tu nous as demandé si on connaissait des lieux, nanana. Ça, selon le cercle d'or de Babylone, ça aurait dû être mis avant. Et voilà ce que je recherchais sur mon téléphone pendant que Benjamin était gentiment en train d'essayer de me donner du temps. C'était des exemples de ce truc-là. Et j'y reviendrai peut-être après, parce que là, d'ailleurs, ça fait penser avec ton exemple du cercle d'or que la chaîne YouTube que je vous présentais tout à l'heure, en fait, c'est un mec qui fait du marketing, et il y a quelques-unes de ses vidéos qui sont basées là-dessus, et il fait des analyses de pub ou ce genre de choses, dont une, je me souviens, c'est le mec qui vend une babiole qui sert complètement à rien, mais il base la publicité là-dessus, et il fait un pourquoi qui est vachement impactant. Et ça fait que le produit, hein, il a marché. C'est pour un Kickstarter. Enfin, je me souviens plus exactement ce que c'était, mais quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, mais comment ils ont pu lever des millions pour ça? Eh bien, merci, puisque tu m'as donné le temps nécessaire pour retrouver l'exemple que j'ai. Ouais, c'est quelque chose que je tire du site Les Affaires, un article que je tire du site Les Affaires. Vous trouverez le lien dans la description du podcast. C'est un vendeur de voitures, basiquement. Sa présentation va être de vous dire, voici notre nouveau modèle. Ah, je crois que je connais l'exemple. C'est pas une vieille voiture dans... Voici notre nouveau modèle, c'est le quoi. Il est doté de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie, c'est le comment. Vous en voulez un, ce n'est pas en ballon d'ailleurs, mais voilà, on ne sait pas. Alors qu'une bonne présentation serait été, nous croyons en un monde meilleur, plus soucieux du bien-être de chacun, c'est le pourquoi. Nous y contribuons. Oh putain, j'arrive pas à parler. Nous y contribuons en faisant des voitures sécuritaires, faciles à conduire et au design soigné, c'est le comment. Vous en voulez une. Voilà. Tout simplement, c'est pour mieux builder son pitch. Oui, après, c'est une question de logique d'expliquer comment ça marche après avoir donné le problème, justement. Ouais. Du coup, en fait, moi, l'exemple auquel je pensais, c'était sur une histoire, d'ailleurs, toujours sur la même chaîne de ce mec, décidément, je prends que lui comme exemple. Donc, Stanis Leloup, Marketing Mania. Tu touches combien à chaque fois que tu prends ça. Énormément, tu imagines même pas. Mais c'est une chaîne que je suis depuis assez longtemps et que j'adore. Et en fait, il y a une de ces vidéos où il montre l'exemple d'une voiture, une vieille voiture, c'est genre une Nevada. Et en fait, toute la puissance du marketing, elle est basée sur. Pas que des caractéristiques techniques ou quoi, mais simplement le fait de pourquoi tu achèterais cette voiture. Et en fait, il part du principe que cette voiture, elle a une histoire. Et que donc, c'est par cette histoire que tu vas pouvoir t'approprier toi-même cette voiture. Et pour moi, c'est un peu comme ça que tu dois faire un pitch. C'est, cette voiture, elle est comme ça, elle a vécu, elle ne montre pas du bling-bling. Elle est faite pour les gens qui vivent la vie simplement. Et donc, toi, tu vas t'identifier à ce personnage. Et c'est pour ça que tu vas vouloir cette voiture. Parce que toi, tu te dis, mais en fait, ça, c'est moi. Donc, pour que ce soit moi, en fait, cet objet, il est censé m'appartenir. Et en fait, pour un pitch, pour moi, c'est un peu le même principe. Où en fait, on pitch le truc et faut que le mec à qui tu pitches se dise « Mais attends, ce que tu me pitches, mais c'est fait pour moi en fait. » C'est pour ça qu'il faut l'adapter à chaque public, retravailler son pitch selon la personne que tu as en face. Oui, il y a un TED Talk qui parle de ce sujet, du coup, comme tu en parlais avant. Il est en anglais, malheureusement, mais du coup, le but du pitch, enfin le but du talk, c'était « People don't buy what you do, they buy why you do it. » Du coup, ils n'achètent pas... ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Et du coup, ça revient à ça. Et c'était très intéressant si les gens veulent. Connaissent l'anglais assez et s'intéressent. Ça, après, il y a des sous-titres toujours. Oui, il y a toujours des sous-titres. Oui, c'est vrai. TED Talk, ça. Après, tant qu'on est dans la forme aussi, il y a le Pechakucha. C'est un peu dur à prononcer aussi. Je n'ai pas un aussi bon accent que toi. Surtout que là, a priori, ça vient du japonais bavardage ou le son de la conversation, un truc comme ça. C'est d'après la page Wikipédia que j'ai sous les yeux. Et en fait, c'est un enchaînement de 20 diapositives en 20 secondes. Ah oui, par diapositive. Est-ce qu'on a le droit de parler par-dessus ou c'est juste... Oui, tu parles par-dessus, mais du coup, il faut que tu restes que 20 secondes par diapo et c'est un exercice super difficile à faire. Je sais pas si vous l'avez déjà essayé. Ouais, mais... justement, on est en train de travailler dessus. On en a 15, mais dans l'idée, c'est ça. Bah, et, c'est ça. En fait, on se dit toujours que l'auditeur n'a... Enfin, l'auditeur. le mec qui regarde n'a pas le temps de voir toutes les slides en 20 secondes, quoi, c'est trop court. Ouais, mais en fait, il faut, c'est pour ça qu'il faut garder, ouais. En gros, c'est quasiment une slide, une information, donc... Parce qu'en 20 secondes, t'as pas le temps de dire beaucoup, beaucoup d'infos, donc c'est sûr que si tu bombardes beaucoup d'infos dans un seul slide, tes 20 secondes, elles vont être déjà utilisées pour ça, donc c'est vraiment, il faut être dynamique et c'est un super exercice du coup pour s'entraîner au pitch, justement. Mais 20 slides en 20 secondes, c'est ça? Ouais, du coup, ça fait un truc genre 6 minutes et quelques par fin de présentation. Ah, d'accord. Non, oui, pas, non, il n'y a pas une seconde la slide. Ouais, parce que là, je me disais, à part provoquer une crise d'épilepsie. ouais, je vois pas trop. 20, un slide toutes les 20 secondes. D'accord. C'est ça. Après, c'est pas tant le nombre de slides qui importe, c'est plus la vitesse à laquelle il défile et le contenu qu'il y a dessus. Parce que clairement, si t'as beaucoup de texte, ça va faire redite avec ce que t'es en train de dire. Donc, du coup, les gens vont en lire, vont pas t'écouter. Et globalement, le texte faut éviter sur la présentation. Voilà. Il vaut mieux des belles images et des choses sur lesquelles t'as le temps. Enfin, je parlais tout à l'heure de la vidéo qui diffusait en fond, mais en gros, c'était limite une vidéo, un fond d'écran animé, quoi, en gros. Après, pour prendre mon propre exemple, si je dois faire une présentation slidée avec un PowerPoint ou ce genre de choses, je me base sur un slide, une idée. Oui, c'est ça. Que, voilà, avec le moins de texte possible. J'ai vu beaucoup de fois des gens présenter des slides et ce qu'ils disaient n'avait aucun rapport avec les slides. Ça, il ne faut jamais le faire aussi. voilà. Oui, une slide, une idée, effectivement, je l'avais noté aussi. Et également, j'ai pu l'expérimenter quand je suis allé à la mission locale, vous en avez parlé la dernière fois, pour parler de l'orientation en jeux vidéo. L'une des erreurs que j'ai commises dans les slides que j'ai présentées là-bas, c'était de mettre du texte sur certains slides, et je me suis retrouvé dans cette position assez idiote où finalement je récitais ce qu'il y avait de marqué sur les slides. Alors pas complètement, je connaissais ce qu'il y avait sur les slides, je ne lisais pas les slides, mais grosso modo ce que je disais c'était affiché sur les slides, c'était voilà, vaut mieux se concentrer quand on a des slides, enfin utiliser ces slides pour montrer des images, des graphiques, quelque chose de parlant visuellement que la personne n'a pas à lire et qui illustre vos propos, c'est beaucoup plus pertinent j'imagine. Tout à fait. Non, j'approuve 100%. Après, on en parlait un peu tout à l'heure avec l'histoire des... quand tu parlais de la vidéo du jeu contemplatif, on parlait un peu de ça tout à l'heure, donc on reste sur ce thème-là, quoi. Après, sur les slides, si j'ai un petit conseil à vous donner aussi, c'est si jamais il y a une phase de questions-réponses avec votre public, numérotez les slides. Ça sera toujours plus simple pour quelqu'un, s'il a une question, de dire « c'était la slide numéro 22 ». Plutôt que de dire c'était la slide où il y avait le truc chelou dessiné. Tout à fait. D'ailleurs, est-ce qu'il est possible de distribuer des documents supplémentaires à, je sais pas, ces investisseurs, au public? Enfin, j'imagine que quand c'est à des clients, on peut leur distribuer ce qu'on veut, mais des investisseurs, je ne sais pas, une feuille qui récapitule certains points qu'on leur donne en plus du diapo qu'on est en train de présenter, qu'ils peuvent consulter ensuite hors présentation. Oui. Pour ça, il y a un truc qui marche bien, c'est l'exécutif summary. Mm-hmm. Donc, c'est un résumé de ton projet en une feuille, donc c'est comme un one page. Mm-hmm. Je sais que la plupart du temps, nous, on nous demande un dossier. Enfin, quand tu as des investisseurs en face, il faut un dossier pour qu'ils résument, parce que sans doute, ils vont pas délibérer en une journée. Ils ont besoin de quelque chose pour souvenir de qui tu es. D'accord. Ouais, il y a ça. Après, y a toutes les techniques de marketing qui s'appliquent. Hein. Tu viens, comme je le disais plutôt dans l'émission, le t-shirt, le flyer. Si tu as, je sais pas, un goodies, une peluche, un petit montage à faire, enfin, tout de suite, tu peux remarquer que c'est con, hein, mais offrir à quelqu'un, c'est déjà dire bah, cool, j'ai gagné un stylo, ou cool, j'ai gagné un t-shirt. Enfin, tu vois, déjà, ça impacte quand même pas mal. En plus de ce que tu disais très justement. Carte, sinon. Oui, la carte aussi. Mais. Tu vois, par exemple, tu peux avoir des cartes de visite où tu peux avoir ton logo qui se détache ou des choses comme ça. Ah enfin, oui, ça se fait bien en ce moment. T'as des choses, ouais, pas mal en ce moment sur ça. C'est des super bonnes idées pour marquer, hein, en tout cas, l'esprit. Terminons les bonnes méthodes du pitch en parlant du timing, quelque chose de très important. Quel est le bon moment pour... Oui, dis-je en... On est en retard. Voilà. qu'est-ce que je veux dire? Oui. Quelle est l'importance du timing dans une présentation? Par exemple, prenons l'élévateur pitch qui consiste du coup à pitcher son projet à son patron qui est dans un ascenseur. Basiquement, si votre patron est en train de lire un document dans l'ascenseur, peut-être ne le faites pas chier avec votre présentation à ce moment-là. Ça vaut le coup si il regarde la porte fermée devant lui. Voilà, quels sont vos conseils là-dessus? Alors, on m'a toujours dit que, enfin, des professionnels m'ont dit que, en gros, un pitch, si tu le termines pas en temps, si on t'a dit 3 minutes et que tu mets 3 minutes 30, ça reflète un peu ta capacité à travailler en temps et en heure. Donc il faut vraiment le finir au bon moment. Mais limite une seconde avant, une seconde après, mais c'est super important, ça paraît stupide, mais ça l'est. Non, c'est bien de se tenir à un timing, effectivement. Sinon, effectivement, si tu dépasses, il y a un problème, quoi. Ouais. Après, en fonction, moi, je partirais sur le principe, prenez le temps d'écrire vos idées. Si vous avez une idée qui prend un peu plus de temps à dire, qu'il faut la développer pour que les gens comprennent, développez-la. Dans l'idée, je suis absolument d'accord avec toi. Je trouve que l'idée du pitch, c'est intéressant, mais des fois, c'est super frustrant quand on a un projet d'envergure. Mais oui, voilà, on peut prendre le temps, mais peut-être après, dans les questions-réponses, dans la sphère, après un cocktail ou quoi que ce soit, un apéro. Mais dans un pitch bien structuré avec plusieurs candidats, il vaut mieux respecter le temps. Oui, c'est après, non, mais je parle pour les principes des pitchs très très courts. Si on vous dit, tu pitches en une minute, des fois, on n'a pas tous les... toutes les petites ficelles qui permettent de dire « Ouais, ce projet est révolutionnaire, quoi. » Ouais, mais justement, si tu es arrivé à le pitcher bien en une minute, la personne qui était en face va venir après vers toi et te dire « Bon, vas-y, maintenant, élabore-moi un peu plus et on va prendre un verre et on va discuter. » Ouais, c'est sûr, l'exercice est toujours bien. J'ai lu que si tu n'arrives pas à faire un pitch efficace en 5 minutes, tu n'arriveras pas plus à faire un pitch efficace en 20. L'essentiel doit pouvoir être dit en 5 minutes. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que l'objectif d'un pitch, c'est de donner envie et pas de tout dire. Dans un temps limité, c'est très compliqué. Souvent, notre projet est bien sûr beaucoup plus ambitieux que le temps qu'on a pour le présenter, heureusement. Oui, ouais. Heureusement. Voilà. Et Guillain me rappelle que je suis en retard. Voilà, on n'a pas forcément de seconde chance pour faire un pitch, c'est pour ça qu'il est important de bien le réussir du premier coup. Si vous présentez vos trucs à votre patron, que ça lui plaît pas, comptez pas revenir la semaine prochaine pour retenter le coup, c'est plutôt moyen. Du coup, mettez toutes les chances de votre côté, peut-être prévoyez un rendez-vous formel avec lui, demandez-lui un moment où il est sûr d'avoir du temps pour vous, ou vous rencontrez quelqu'un qui pourrait être intéressé par votre projet, mais vous le rencontrez de façon fortuite, je sais pas, en faisant les courses, en étant chez le médecin, etc. À ce moment-là, teasez-lui votre projet, vraiment, pour qu'il accepte de vous rencontrer à un moment qui est plus favorable à une entrevue. Donc ça aussi, c'est à bosser. Enfin, je pense qu'on va pouvoir passer au pitch de Floris. Et dernière émission. En tentant de concentrer depuis tout à l'heure. je réfléchis. Vas-y, c'est à toi, Floris. On reprend finalement. Ah non, on est en ligne de retard. Bon, vas-y, je t'en prie. Bon, ne stresse pas pour le temps. Du coup, mon projet s'appelle Astraeos. C'est un jeu de course science-fiction avec des vaisseaux spatiaux. Pensez un peu Star Wars avec Luke et la Death Star. Et la particularité de ce jeu, c'est que ce n'est pas juste un jeu de course où tu es tout seul, c'est que vous avez une équipe, et c'est trois personnes par vaisseau. Et chaque personnage a son propre rôle qu'il doit faire dans le vaisseau, donc tu as le pilote, le tireur et le technicien. Et ils doivent s'entraider pour essayer de venir à bout, pas juste des autres joueurs, mais aussi de la map qui a plein de pièges, des trucs qu'ils balancent avec un univers vraiment très loufoque. Et du coup, on veut vraiment pousser ce côté entraide en même temps que genre adversité avec les autres joueurs, vraiment faire notre mieux pour avoir cette idée d'un jeu de course où tu as aussi des alliés, qui est assez rare dans le milieu, à part les matchs en équipe de Mario Kart et tout ça. Et voilà. Très court. Pour aller avec le temps. Tu n'as pas raccourci ton pitch parce que nous sommes en retard quand même. Non. Non, mais ça résume bien les choses. Ça a l'air sympa. Voilà. Ça me fait penser à un jeu Mario Kart où tu étais à deux sur le kart. Là. Ah, c'était Mario Kart GameCube, ouais, je crois. C'est ça. Double dash. C'était bien parce qu'on s'engueulait tous. Voilà. Ouais. Mais c'est marrant de s'engueuler dans les jeux vidéo. Oui, c'est ce qu'il y a de meilleur. Jouer à Mario Party, c'est bien. Oui, moi ça m'a fait penser à Open Star Racers dans le concept, puisque je suis le projet à l'école de loin, puisque je suis dans la même école que Floris, et donc voilà, on en parle de temps en temps. Et la première fois qu'il m'avait pitché ce projet, j'avais pensé à Open Star Racers, c'était effectivement l'une des inspirations de l'équipe. Et c'est très rigolo, Open Star Racers, si vous ne connaissez pas, c'est ce dessin animé par les créateurs de Code Lyoko, donc un gage de qualité. qui étaient des courses de voitures, de vaisseaux spatiaux pour obtenir un prix spécial. Et c'était des vaisseaux avec des capacités, plusieurs personnes à l'intérieur, effectivement, qui tire. Pourquoi je raconte ça alors? Bah voilà, okay. je suis maintenant pitch jeu. Voilà. Ouais, non, mais c'est ça. En plus, je le fais très très mal. C'est horrible. Non, bon, c'est pas évident. Non, oui. Par contre, quelque chose de très important que j'ai oublié de dire, et du coup, j'y ai pensé là, puisque en fait, tout le monde l'a bien fait. C'est pour ça que j'ai pas tilté tout à l'heure. Plutôt, faites vos pitchs en parlant au présent. Ne jamais présenter son projet en parlant au futur ou au conditionnel, c'est encore pire. Parlez de votre projet au présent. Ben, est-ce que tu as quelque chose à dire sur la présentation de Floris? Bosse ton rythme. Oui. Je pense. Oui, vraiment. Après, franchement, respect, c'est pas facile de pitcher sans notes, sans rien, sans, sans support, donc c'était très bien sur ce côté-là. Merci, Floris. De rien. Voilà. J'essaie d'être encourageant. Mais c'était bien, hein. Enfin, je veux pas dire. Merci, merci. Et après, je suppose que tu commences ton projet, enfin le pitch, là tu l'as dû que depuis le début de l'année, quoi. C'est, oui, on a fait un peu des pitchs un petit peu plus longs, du coup des trucs de 15 minutes avec des slides, tout ça, aux personnes de l'école. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai fait, parce que l'idée vient de quelqu'un d'autre, mais l'année dernière, tout le monde a fait l'HLC, enfin l'HLC entre guillemets, de leur jeu, et c'est la direction qui a choisi lequel était le plus prometteur. D'accord. Ouais. Non, mais ce que je voulais te dire, c'était que en fait, un pitch, ça se travaille. Enfin, moi, le mien, ça fait des mois et des mois que je redis un peu le même. Donc, en fait, c'est que tu as eu pas tant de temps que ça pour bien pitcher ou bien préparer. Même, enfin, je suppose que votre jeu, il évolue encore. Donc, oui, voilà, il y a ça. C'est pour aussi, ça que c'est compliqué à pitcher. On va devoir conclure l'émission. Est-ce que quelqu'un a des recommandations en lien avec le sujet de l'émission d'aujourd'hui? Push start, du coup. Ouais, c'est un bon exercice, hein. Vous pouvez venir à nos différents apéros. Merci d'avoir fait la transition. De différents apéros jeux vidéo. Si vous êtes sur Montpellier, c'est les derniers mardis du mois. Le prochain sera probablement au Black Sheep à Montpellier. Et on fait des petits pitchs entre nous. Hein. C'est vraiment sans prise de tête. On est souvent autour de bière, donc il faut y aller détendu. Pour venir pitcher, c'est juste un mail et on. C'est juste un mail et puis voilà. On vous envoie le petit PowerPoint à intégrer et puis voilà, quoi. Oui, tout à fait, tout le monde peut venir pitcher aux apéros JV de Push Start. Par ailleurs, rappelons que tu vas organiser un événement en lien avec le pitch, donc on l'évoquait au début d'émission en mi-avril, le 9 ou le 10 avril. Je sais plus. Voilà. Pendant la gacha, du coup. Voilà, qui s'appellera Push My Speech. Même moi, j'ai du mal à le dire. Ouais, c'est compliqué. Rappelons aussi, on l'avait évoqué lors de la première émission, la Serious Game Jam arrive. Elle aura lieu du 9 au 11 mars prochain. C'est organisé principalement par Caroline Imbert, il me semble, en partenariat avec Push Start, du coup, et pas mal d'autres associations. Par ailleurs, est-ce qu'il y avait une autre recommandation? Voilà, les Game Jam, il y a en a plein qui arrivent. Ouais, en mars, c'est la folie. Hein. Y a la Climate Game Jam. Ouais. Il y a. Qui c'est quand? En mars? C'est le week-end après le 9, donc ça doit être peut-être le 18. Voilà, le 18. Le week-end du 18. À la France Tech, du coup. Il y a la journée des auteurs de jeux aussi du Montpellier Unity User Group. Et il n'y a pas un truc qui est organisé par Push Start pour une certaine Game Jam au Québec avec des inscriptions qui ferment bientôt? Ah oui, effectivement, tu fais bien de le rappeler. Il y a le Pixel Challenge, on envoie une équipe au Pixel Challenge, donc l'une des plus grosses Game Jam québécoises. Donc vous pouvez partir tout frais payé avec Push Start et le soutien de la métropole de Montpellier. Donc du coup, il suffit de s'inscrire en ligne sur le site de Push Start. Trois étudiants et deux professionnels, c'est ça? C'est ça, trois étudiants et deux pros. Et la limite pour s'inscrire est très rapide, me semble. Ouais, c'est dans 7 mars. 7 mars. 7 mars, je crois que j'ai vu. C'est dans moins que ça, alors. Ouais, c'est... Oui, dans quelques jours. Conclusion, du coup. Eh bien... Le mec, il ne lit pas du tout son papier. vous pourrez retrouver tous les liens dont on a discuté dans l'émission dans la description du podcast. Il y en a par ailleurs qui m'ont servi à l'élaboration de cette émission que je mettrai également, dont on n'a pas discuté, qui pourrait vous servir si vous voulez vous renseigner un peu plus sur les bonnes méthodes du pitch. Vous pouvez retrouver toutes les infos de Devan Retry sur la page Facebook et la page Twitter, également nous contacter à travers ces biais-là. Nous remercions Benjamin d'avoir été notre invité pour cette émission. Avec grand plaisir. Je sais. Et je vous remercie. Qu'est-ce qui nous arrive? Et nous remercions bien sûr Arnaud qui est à la technique et qui a encore fait du bon boulot. Merci Arnaud. Merci. Bonne soirée à toutes et tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.